Chapitre 8e. Nostalgie. Les charmants papiers dont on avait tapissé la maison de Crampton étaient bien nécessaires pour réconcilier Mrs. Hale avec Milton du Nord. Depuis son arrivée, un brouillard épais et jaune couvrait la vallée et dérobait aux yeux la gourbe gracieuse que formait la rivière. Au dehors, un mélange de brume et de fumée qui s'attachait aux fenêtres et pénétrait dans la maison dès qu'une porte s'ouvrait. À l'intérieur, un désordre qui se prolongeait en dépit des efforts de Dixon et de Marguerite. « Oh mon Dieu, faut-il donc que nous restions ici ?» demandait Mrs. Hale d'une voix triste et découragée. « Les brouillards de Londres sont encore plus épais, » répondait Marguerite, qui au fond du cœur partageait la tristesse et l'abattement de sa mère. « Tu savais que derrière ce voile épais, il y avait Londres, des amis, des connaissances. Mais à présent, oh, Dixon, quel horrible pays !»« Assurément, pauvre madame, ce sera votre mort. Et je sais bien qui pourra se le rep... »« Attendez, miss, ne soulevez pas cette caisse. Elle est trop lourde pour vous. »« Merci, Dixon, » répondit froidement la jeune fille. « La meilleure chose que nous puissions faire pour maman, c'est de nous hâter d'arranger sa chambre. » afin qu'elle puisse se mettre au lit pendant que je lui préparais une tasse de café. Mr. Hale n'était pas moins abattu. « Marguerite, disait-il à sa fille, j'ai peur que cette ville ne soit malsaine. Je crains que la santé de ta mère ne vienne à en souffrir. Nous aurions dû nous fixer dans le pays de Galles. C'est vraiment un affreux climat, ajoutait-il en allant à la fenêtre. Que répondre à ces plaintes? Ils étaient à Milton. Il fallait y rester, subir le brouillard et la fumée tout au moins pendant quelques mois. Leur déménagement et leur séjour à Heston avaient absorbé presque entièrement la faible somme que Mr. Hale avait emportée du presbytère. Il n'y avait donc pas moyen de songer à s'établir ailleurs. Quand le soir Marguerite fut rentrée dans sa chambre, qu'elle se rappela tout ce que lui avait dit sa mère, et qu'elle se fût bien persuadée qu'il était impossible de quitter Milton, elle se sentit envahir par un morne désespoir. Un air épais et nauséabond remplissait la pièce étroite et longue où elle devait coucher. La fenêtre placée à l'extrémité de cette espèce de couloir donnait sur une petite cour d'environ 3 yards qui la séparait de la maison voisine, et le mur sombre qui bornait sa vue lui apparaissait au milieu du brouillard, comme une barrière infranchissable qui lui interdisait l'espérance. Elle détourna les yeux, et son regard tomba sur l'une des caisses dont sa chambre était remplie. C'est à Helstone que l'adresse en avait été écrite. Cher Helstone, si beau, si regretté, que de souvenirs dont la douleur rendait sa tristesse plus amère, et comme la réalité lui semblait douloureuse. Tout à coup, elle se rappela que le matin même, on lui avait remis une lettre de sa cousine, et qu'au milieu de toutes ses occupations, elle n'avait fait que la parcourir. Edith lui annonçait leur arrivée à Corfou. Elle lui racontait leur voyage, les concerts et les bals qu'on avait donnés à bord. Elle lui parlait de sa ravissante demeure au balcon treillissé, d'où l'œil, en passant au-dessus des rochers qui entourent l'île d'une ceinture blanche, allait se reposer sur le profond azur de la mer. Et pleine de joie, elle lui dépeignait l'horizon magique et l'heureuse existence qui se déployait devant elle. Edith écrivait bien. Son style avait de la grâce et de la vivacité. Non seulement elle savait saisir le côté saillant des choses, mais encore elle abondait en détails pleins de finesse, qui permettaient à Marguerite de se représenter les personnes et les lieux dont il était question. Le capitaine Lennox partageait avec un autre officier, qui venait également de se marier, une villa située sur des rochers à pic, dont le sommet se projetait au-dessus de la Méditerranée. Malgré la saison avancée, ils passaient leur journée en bateau ou en partie de campagne, une vie de plaisir, de soleil et de grand air, qui semblait exempte de nuages, comme le ciel pur des lieux qu'ils habitaient. Son mari allait à l'exercice et parfois, en sa qualité d'excellente musicienne, elle copiait quelques airs nouveaux, récemment arrivés d'Angleterre, pour les donner au chef de musique. C'était à cela que se bornaient leurs occupations les plus sérieuses. Elle espérait bien que Marguerite viendrait la voir à Corfou et lui ferait une longue visite. Te rappelles-tu, lui disait-elle, comme il pleuvait dans Harley Street, il y a un an, aujourd'hui même, et que je ne voulais pas mettre ma robe neuve pour aller à un dîner stupide, où, pour la première fois, je devais voir le capitaine Lennox. Marguerite se le rappelait à merveille. Elle était allée rejoindre sa tante et sa cousine après le dîner. Elle voyait encore ses salons magnifiquement éclairés, cet ameublement splendide, ce cercle brillant d'invités où chacun semblait heureux. Quel contraste avec sa situation présente. Les dîners intimes, les visites, les emplettes dans les grands magasins, les soirées et les bals, n'en suivaient pas moins leur cours, malgré l'absence d'Edith et de sa mère. Et qui se souvenait d'elle, excepté Henry Lennox? Bientôt lui-même, il s'efforcerait de l'oublier. Ne l'avait-elle pas entendu plus d'une fois se vanter de pouvoir écarter de son esprit toute pensée douloureuse? Mais si elle eût accepté son amour, que serait-il arrivé en face de la position où elle se trouvait aujourd'hui? Nul doute que l'avocat n'eût été vivement contrarié de la détermination de Mr. Hale, et qu'il ne se fût irrité du blâme que le monde ne manquerait pas de jeter sur la conduite de son père. Et ce qu'elle avait à souffrir lui sembla moins pénible en songeant à ce qui aurait pu arriver. Qu'avait-elle à craindre maintenant? La coupe d'amertume était vide. Il ne lui restait plus qu'à recevoir avec fermeté les lettres où Edith et sa tante exprimeraient leur surprise douloureuse de ce qui s'était passé. Elle se leva et commença à se déshabiller avec lenteur. Elle éprouvait, malgré l'heure avancée, une véritable jouissance à agir posément. Après toute la précipitation qu'elle avait déployée dans la journée, elle s'endormit, espérant que l'horizon s'éclaircirait peu à peu. Mais si elle avait pu savoir combien de temps s'écoulerait encore avant que le soleil vînt briller entre les nuages, l'espérance aurait fait place à un profond abattement. La saison, à vrai dire, était aussi défavorable à la santé que ce ciel brumeux était peu fait pour animer le courage. Mrs. Hale avait pris un rhume épouvantable. Dixon elle-même était souffrante, bien qu'elle se fâchât sérieusement toutes les fois que Marguerite cherchait à l'aider ou voulait la soigner. Il était impossible de trouver une servante qui pût faire le gros ouvrage. Toutes les jeunes filles travaillaient dans les fabriques et celles qui à la fin se présentèrent furent chassées par Dixon, qui les trouvait bien présomptueuses d'oser croire que de pareils pécores pouvait servir dans la maison d'un gentleman. On en était réduit à employer une femme de journée qui faisait peu de besogne et qui coûtait trop cher. Marguerite pensait à faire venir Charlotte, mais c'eût été une dépense plus grande encore, sans parler du voyage. Il fallut y renoncer. Grâce à la recommandation de Mr. Bell, et surtout à l'influence plus immédiate de Mr. Thornton, Mr. Hale avait trouvé quelques élèves. C'était pour la plupart de très jeunes gens qui, partout ailleurs, auraient été encore au collège. Mais il était dans les principes des habitants de Milton que, pour faire un bon négociant, il fallait s'acclimater de bonne heure à l'air du magasin, de la filature et du bureau. On n'entre qu'à 18 ans à Oxford ou à Cambridge, et les universités écossaises ne sont elles-mêmes que de fort mauvaises écoles pour l'enfant que l'on destine au commerce. Les manufacturiers ont donc pour habitude de placer leurs fils, dès l'âge de 14 ou 15 ans, dans un milieu purement industriel, et de retrancher sans pitié tous les rameaux qui accuseraient quelque tendance à la culture littéraire, afin de rejeter sur le négoce toute la vigueur de la plante. Il se trouve néanmoins dans le nombre quelques parents plus sages, et dont les fils sont assez de bon sens et d'esprit pour sentir ce qui leur manque et pour s'efforcer d'y remédier. Malheureusement, on ne reconnaît les inconvénients de l'ignorance qu'à un âge où il est bien tard pour apprendre, et Mr. Hale comptait parmi ses élèves quelques hommes ayant déjà franchi les limites de la première jeunesse. Mr. Thornton était l'un des plus âgés de ses étudiants tardifs, et il avait su gagner toute l'affection du maître. Mr. Hale avait tellement pris l'habitude de citer à tout propos l'opinion de son élève favori, et le faisait avec tant de déférence, qu'on en plaisantait en famille, et qu'on se demandait combien, sur la durée de la leçon, il restait 2 minutes consacrées à l'étude, puisque l'heure entière avait dû suffire à peine pour causer d'autres choses. Marguerite se prêtait volontiers à ce badinage, et traitait la liaison du maître et de l'élève avec d'autant plus de légèreté que Mrs. Hale voyait d'un œil jaloux cette ardente amitié de son mari pour un homme qu'il connaissait à peine. Tant qu'il ne s'était occupé que de ses paroissiens ou de ses livres, comme il faisait à Helstone, elle n'avait pas paru s'inquiéter du peu d'instants qu'il passait auprès d'elle. Mais aujourd'hui, qu'il semblait attendre avec impatience l'arrivée de Mr. Thornton, elle se trouvait blessée comme si, pour la première fois, il préférait la conversation d'un étranger à la société de sa femme. Les éloges continuels de Mr. Hale produisaient sur elle l'effet inévitable des louanges exagérées, et Marguerite elle-même se révoltait contre Aristide à force d'entendre son père lui prodiguer le nom de Juste. Après l'existence paisible qu'il avait menée pendant 25 ans dans une cure de village, il y avait quelque chose de fascinant pour Mr. Hale dans cette énergie qui surmontait chaque jour et sans peine d'immenses difficultés. La puissance des machines de Milton et celle des hommes qui leur communiquaient le mouvement et la vie lui inspiraient une admiration profonde. Il oubliait de s'enquérir des détails et de regarder au fond de cette activité dont il n'apercevait que la grandeur. Mais sa fille ne voyait ni les machines, ni les hommes qui les faisaient mouvoir. Elle sortait peu et ne songeait pas aux résultats sociaux du commerce et de l'industrie. Elle se trouvait liée, au contraire, avec quelques-unes de ces infortunées qui, dans toutes les mesures générales, sont nécessairement sacrifiées à l'intérêt public. La question est toujours de savoir si l'on a fait tout ce que l'on devait tenter pour diminuer autant que possible ces souffrances inévitables, ou si le malheureux et l'infirme n'ont pas été foulés aux pieds par le cortège triomphal, au lieu d'être relevés avec douceur et placés en dehors de la route du conquérant, qu'ils étaient trop faibles pour accompagner. Dixon avait cherché d'abord une servante pour faire le gros ouvrage, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Mais l'idée qu'elle se formait d'une jeune fille laborieuse et convenable reposait sur le souvenir qu'elle conservait des plus grandes élèves de l'école de Holstone, à qui elle inspirait autant de respect et beaucoup plus de frayeur que Mr. Hale lui-même. Elle avait conscience de cette crainte respectueuse, et n'en était pas moins flattée que Louis XIV, lorsque celui-ci voyait ses courtisans mettre la main au-dessus de leurs paupières, afin de n'être pas ébloui par son auguste présence. Il n'y avait donc que la profonde affection qu'elle avait pour Mrs. Hale qui put lui faire supporter jusqu'au bout le ton d'indépendance avec lequel les jeunes filles de Milton répondaient à l'interrogatoire qu'elle leur faisait subir. Elles avaient même poussé l'insolence jusqu'à la questionner à leur tour, n'étant pas sans inquiétude sur la solvabilité d'une famille qui, habitant une maison d'un loyer aussi modique, se donnait les airs d'avoir à son service une personne aussi importante. Mr. Hale n'était plus considéré comme recteur de la paroisse, mais simplement comme un homme faisant très peu de dépenses. Marguerite se lassait des rapports que Dixon faisait à sa mère sur le compte de ses malheureuses filles. Non pas qu'elle ne fût blessée elle-même de leur manière peu courtoise, ni de leur familiarité choquante et surtout de leur indiscrétion à l'égard des moyens d'existence d'une famille qui vivait à Milton sans position connue et sans être engagée dans un commerce quelconque. Mais plus Marguerite souffrait de cette conduite impertinente, plus elle croyait devoir en épargner à sa mère le récit douloureux. Elle prit donc sur elle de mettre un terme aux doléances de Dixon en s'occupant elle-même de chercher la servante qui leur était nécessaire. Elle s'adressa aux épiciers, aux bouchers, aux fournisseurs de toute espèce, cherchant d'abord une servante idéale et diminuant ses prétentions chaque semaine, à mesure qu'elle voyait combien il lui serait difficile de trouver n'importe quelle fille qui ne préféra pas au service d'une maison le salaire et surtout l'indépendance qu'elle aurait en travaillant dans une manufacture. C'était déjà une rude épreuve pour Marguerite que d'aller et devenir toute seule dans cette ville populeuse. Mrs. Shaw, dont les idées sur les convenances étaient inébranlables, n'aurait pas souffert qu'elle allât même dans une maison du voisinage sans être suivie d'un domestique. Marguerite s'était révoltée plus d'une fois intérieurement contre cette règle que lui imposait sa tante et avait apprécié doublement la liberté dont elle jouissait à Helstone, où elle parcourait seule et sans crainte les bois et les bruyères, précipitant sa marche si elle avait hâte d'arriver, ou s'arrêtant à loisir pour écouter le chant des oiseaux ou regarder l'insecte qui brillait dans les buissons. Il lui était pénible, disons-nous, de passer tout à coup de ses promenades où elle errait à l'aventure, suivant l'impulsion du moment, aux courses fastidieuses que l'on fait d'un pas mesuré sur le pavé des filles. Mais elle n'y aurait pas songé, si des ennuis plus sérieux n'avaient été la conséquence de ce changement de position. Le quartier qu'elle habitait servait de passage aux ouvriers des fabriques. Les rues voisines étaient composées de manufactures qui versaient au dehors deux ou trois fois par jour des torrents d'hommes et de femmes, et jusqu'au moment où elle connut les heures d'entrée et de sortie des ouvriers, Marguerite ne manqua jamais d'être en même temps qu'eux dans les rues, où ils se précipitaient en riant et en criant d'un air plein de hardiesse, jetant à la face des passants leurs plaisanteries grossières, adressées particulièrement aux personnes qui paraissaient au-dessus d'eux. Leurs paroles bruyantes et leur complète ignorance des lois de la politesse effrayèrent d'abord Marguerite. Les jeunes filles ne se gênaient pas pour faire tout haut des observations sur sa toilette, et sans malveillance aucune, allaient jusqu'à prendre la liberté de palper sa robe et son châle pour s'assurer de la qualité de l'étoffe. Il arriva même une ou deux fois qu'elles l'interrogèrent sur un objet qui avait particulièrement fixé leur attention. Il y avait dans leur sourire tant de confiance dans sa bonté, dans leur regard tant de certitude, qu'elles comprenaient leur curiosité féminine à propos d'un article de toilette, qu'elles répondaient gaiement à leurs questions dès qu'elles les eut comprises. Mais si elles ne craignaient plus de rencontrer ces femmes, quelle que fût leur indiscrétion, elles redoutaient les hommes, qui faisaient avec la même liberté non pas des remarques sur l'étoffe de sa robe, mais des commentaires sur sa taille et son visage. Elle, qui avait toujours regardé comme une impertinence l'allusion la plus délicate à sa personne, elle avait alors à subir l'admiration non déguisée qu'elle inspirait à ces êtres naïfs, dont le langage ne brillait pas par la délicatesse. Cependant, si elle avait été moins effrayée du désordre qui l'environnait de toutes parts, elle aurait pu reconnaître qu'il n'y avait dans cette franchise innocente aucune intention de l'insulter. Et si de pareils discours la faisaient rougir de colère, il lui arriva plus d'une fois de sourire lorsque, rentrée dans sa chambre, elle se rappelait quelques-unes de ses paroles qui l'avaient irritée. Un jour, par exemple, qu'elle passait auprès d'un groupe nombreux d'ouvriers, où plus d'un souhaitait sans façon de l'avoir pour bon ami, elle entendit cette phrase qui lui était adressée : « Votre figure, ma jolie fille, éclaire cette belle journée. » Et comme, un peu plus loin, elle souriait, sans le savoir, à une pensée qui lui traversait l'esprit, un homme d'un certain âge et pauvrement vêtu lui dit avec douceur « Vous pouvez rire, ma fille. Plus d'une sourirait tout comme vous de se trouver aussi belle. » Cet homme avait l'air si misérable que Marguerite ne put s'empêcher de le regarder avec bonté, s'estimant heureuse d'avoir pu, quel que fût son visage, faire naître dans son esprit une pensée agréable. Il parut la comprendre, et depuis lors, chaque fois qu'ils se rencontraient, ils échangeaient un signe de reconnaissance. Il ne lui avait jamais rien dit, jamais un mot depuis le premier compliment qu'il lui avait adressé, et pourtant, il inspirait à Marguerite plus d'intérêt qu'aucun autre des habitants de Milton. Elle l'avait aperçu deux ou trois fois le dimanche, se promenant avec une jeune fille, évidemment la sienne, et qui paraissait encore plus faible et plus malade qu'il ne l'était lui-même. Un beau jour de printemps, Marguerite et son père étaient allés se promener dans la campagne. Elle avait cueilli des violettes sans parfum et quelques rares chez Lidoine, regrettant au fond du cœur la profusion de fleurs sauvages qu'elle eût trouvées à Hailstone. Mr. Hale avait un rendez-vous d'affaires et quitta sa fille pour revenir à la ville. Marguerite continua sa promenade. Elle reprenait la route de Milton lorsqu'elle rencontra ses deux humbles amis. La jeune ouvrière fixa ses regards sur le bouquet de Marguerite, qui le lui offrit par un mouvement spontané. Un rayon de joie brilla dans ses yeux pâles. Son père prit la parole et remercia pour elle la jeune miss. « Bessie gardera vos fleurs plus d'un jour, » ajouta-t-il, « et y pensera longtemps, je vous le dis pour sûr. » Et moi donc, je n'oublierai pas votre bonté. Vous n'êtes point de ce pays-ci que je pense. Non, répondit Marguerite en soupirant. Je suis du sud, Je viens du Hampshire, reprit-elle, ayant peur de faire sentir au pauvre homme son ignorance en employant un mot qu'il ne comprenait pas. De l'autre côté de Londres, je pense. Moi, je suis de Burnley-Ways, à 40 000 d'ici, vers le nord. Comme vous voyez, le nord et le sud ont fini par se rejoindre et par faire de bons amis dans cette grosse ville fumeuse. Marguerite avait réglé son pas sur celui de la jeune fille dont la faiblesse ralentissait la marche. Vous n'êtes pas bien forte, lui dit-elle avec une tendre pitié qui alla au cœur du vieux père. Non, répondit la pauvre enfant, et je ne le serai jamais. Voilà le printemps qui arrive, dit Marguerite, cherchant à ranimer l'espoir de la pauvre Bessie. Ni le printemps ni l'été ne me feront du bien, répondit la malade. Marguerite tourna les yeux vers le père, s'attendant à lui voir contredire ces paroles que Bessie avait prononcées avec indifférence. Mais au lieu de cela, j'ai peur que ce ne soit la vérité. Elle est trop mal pour compter qu'elle en revienne. J'aurai là-bas un printemps plus beau qu'ici, et des fleurs, et des amarantes, de belles robes qui reluiront. Pauvre fille, pauvre enfant, murmura le père à voix basse. Je ne suis pas sûr de ça, mais enfin, ça la console, pauvre petite. Ce sera bientôt pourtant. Ces paroles, dont Miss Hale était un peu choquée, intéressaient néanmoins et l'attiraient vers ce malheureux père. Où demeurez-vous ? Lui demanda-t-elle. Nous devons être voisins, nous nous rencontrons si souvent. Nous logeons Francis Street, le second tour à main gauche après que vous aurez passé l'auberge du Dragon d'Or. Et votre nom ? Il ne faut pas que j'oublie de vous le demander. Je n'en suis pas honteux de mon nom, allez. Je peux bien vous le dire, je m'appelle Nicholas Higgins. Et ma fille que voilà s'appelle Bessie Higgins. Pourquoi que vous demandez ça ? Cette question étonna Marguerite. À Halstone, il eût été compris tout de suite qu'elle avait l'intention d'aller visiter le pauvre voisin dont elle demandait le nom et l'adresse. Je voulais, ou du moins, je pensais vous faire une visite. Elle éprouva tout à coup un certain embarras. Elle se sentait confuse d'offrir à cet homme d'aller chez lui, sans avoir pour cela d'autre motif que l'intérêt qu'elle lui portait. Il lui semblait que c'était une impertinence de sa part, et elle crut lire dans les yeux du brave homme qu'il le prenait ainsi. « Je ne suis pas de ceux qui aiment avoir des étrangers dans leur maison, » répondit-il. Puis, la voyant rougir, il continua d'un ton moins sec. « Après tout, vous n'êtes pas de ce pays ici. Peut-être que vous n'y connaissez pas grand monde. Vous avez donné à Bessie des fleurs cueillies de votre propre main. Vous pouvez venir si vous voulez. » Cette réponse amusa Marguerite tout en la piquant un peu. Elle ne savait pas si elle devait profiter d'une permission donnée avec autant de froideur. Mais lorsqu'ils furent arrivés à Francis Street, la jeune ouvrière s'arrêta et lui dit en la regardant « Vous n'oublierez pas que vous avez promis de venir nous voir. »« Bien, bien, » ajouta le père avec impatience. « Elle viendra, sois tranquille. La voilà un peu fâchée, parce qu'elle se dit comme ça que j'aurais dû avoir plus de politesse. Mais en y pensant, elle prendra mieux ce que j'ai dit et viendra nous visiter. Je lis dans sa belle figure comme si c'était un livre. Allons, Bessie, allons. La cloche sonne à la fabrique. » Marguerite revint chez elle en pensant à ses nouveaux amis et ne put s'empêcher de sourire de la pénétration avec laquelle Nicolas avait deviné ce qui se passait dans son âme. À dater de ce jour, Milton fut moins triste pour elle. Ce n'était pas parce que le printemps était revenu ou parce que l'habitude la réconciliait avec la situation de sa famille, mais parce qu'elle avait trouvé quelqu'un à qui elle put s'intéresser.